Altesse, bonjour. Bonjour, Altesse. Dont vous allez, monsieur, présenter la comtesse. Ah, la comtesse. Oui, la comtesse. Elle est bien bonne, celle-là. Elle est bien bonne, celle-là. Mes amis, le respect s'en va. Nous pouvons nous verra cela. Elle est bien bonne, celle-là. Madame la comtesse de Tabago, marquise du Manzanares. Nous allons donc à Paris présenter sa femme à la main. Cette fête se passe ici, un peu plus souvent que ce qu'on dit. Cette fête se passe ici, un peu plus souvent que ce qu'on dit. Allez donc et n'oubliez rien. Vous allez voir. Venez, madame. Je viens, monsieur. Dieu, cette voix, la péricole. Et oui. Comment c'est toi, toi, ma femme? Et oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'entrevois? Tais-toi, tais-toi. Tu sauras tout. Ah, j'en sais bien assez, j'en sais bien assez, car je sais, Corotine, que c'est vous la maîtresse du roi, et qu'alors je suis moi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle est bien bonne, celle-là. Vous attendiez-vous à cela? Pour voir ce que ça deviendra. Elle est bien bonne, celle-là. C'est un malentendu, mais je vais le calmer. Ne craignez rien, je saurai l'apaiser. Écoute un peu, et ne bouge pas, de par Dieu, de par Dieu. Que veulent dire ces colères et ces gestes de mauvais ton? Sont-ce là, monsieur, les manières qu'on doit avoir dans un salon? Qu'on doit avoir dans un salon? Troubler ainsi l'éclat des fêtes dont je prends ma part pour ton bien. Nigo, Nigo, tu ne comprends donc rien, rien, rien. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Mon Dieu, sont bêtes, sont bêtes. Comment tu vois que j'ai la chance et tu veux tout brouiller ici? Manquerais-tu de confiance? C'est un défaut chez un mari. C'est un défaut chez un mari. Laisse-les donc finir ces fêtes. Et puis après, tu verras bien. Nigo, Nigo, tu ne comprends donc rien. Rien, rien. Que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Mon Dieu, oh, que les hommes sont bêtes, sont bêtes. Thank you. face de tous ces gens. La femme la plus séduisante et la plus fausse en même temps. Prends garde à la caninerie de sa voix et de son regard. En elle, tout est menterie, je m'en aperçois, mais trop tard. Écoute, au roi, je te présente à la face de tous ces gens la femme la plus séduisante et la plus fausse en même temps. Elle te dira qu'elle t'aime, pauvre vieux, et tu la croiras comme je la croyais moi-même. Voyez, voyez, qui ne la croirait pas. Puisque tu la veux pour maîtresse, garde-la, réveille dessus. Garde-la bien, je te la laisse. Garde-la bien, je te la laisse. Et m'en vais, car je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Non, non, non, non, non, non. Je n'en veux plus. Thank you. honnête et me voilà. Cela vous met la mort dans l'âme de voir le monde comme il va. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la perfide? Je ne pensais pas à ça. Pendant que sur la paille humide, je jeûne, et pousse des hélas pas. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Elle est près du roi, la fidèle. Le roi lui dit ceci, cela. Qu'elle est belle, et puis qu'elle est belle. Et patati, et patata, et patati, et patata. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Une autre affaire, tu n'en as guère de talent, de ce qu'on doit avoir pour plaire, tu n'as presque rien. Découvrir dans leur cachet, on va là-haut. chante de sa voix railleuse. Il chante de sa voix railleuse. L'attrapera, l'attrapera, l'attrapera pas. L'attrapera pas, l'attrapera pas. Il grandira car il est espagnol. Il grandira, il y grandira car il était.